Chapitre 19e. L'entrevue d'adieu de M. Slope et de la Signora. Le lendemain était un jour de gloire pour la Signora. Portant la plus brillante de ses toilettes de jour, elle tenait comme un petit lever autour de son sofa. C'était une belle après-midi d'octobre. Tous les gentlemen des environs étaient à Barchester, et ceux qui avaient leurs entrées chez le docteur Stanhope étaient dans l'arrière-salon de la Signora. Charlotte et Mrs. Stanhope étaient dans le salon de devant, et ceux des chevaliers de la dame qui ne pouvaient arriver jusqu'au centre d'attraction étaient réduits à porter leurs sourires et leurs odeurs à la mère et à la fille. Le premier arrivé et le dernier à partir fut M. Arabin. C'était la seconde visite qu'il faisait à Mme Neroni depuis qu'il l'avait rencontrée à Yulathorne. Pourquoi venait-il? Il n'en savait rien. Pour parler de quoi, il ne le savait pas davantage. Mais à vrai dire, les sentiments qui l'agitaient alors étaient nouveaux pour lui, et il ne pouvait les analyser. Il peut sembler étrange qu'il fût ainsi assidu auprès de Mme Neroni alors qu'il en aimait une autre. Et s'il ne le comprenait pas lui-même, Mme Neroni le comprenait fort bien. Elle avait été douce et bonne pour lui et l'avait encouragé à demeurer. Il restait donc. Elle lui serra la main quand il entra, le fit asseoir près d'elle et lui murmura à l'oreille de petits riens. Et comme elle joua de la prunelle, ses yeux brillants, pleins tantôt de gaieté, tantôt de mélancolie, étaient irrésistibles, quelques sentiments qu'ils exprimassent. Que pouvait contre de tels yeux un homme encore chaud de cœur et de sang dont l'âme n'était pas protégée par le triple airain de l'expérience? La dame, il est vrai, n'avait nul mauvais dessein contre lui. Elle voulait seulement aspirer quelques bouffées d'encens avant de passer la cassolette à une autre. Puis arriva M. Slope. Tout le monde savait alors que M. Slope était candidat au titre de doyen, et on le considérait généralement comme celui qui avait le plus de chance. Aussi M. Slope se donnait-il l'air majestueux qui convient à un doyen. Il parlait peu aux autres prêtres et évitait l'évêque autant qu'il le pouvait. Le petit chanoine maigre, le gros chancelier, tous les chanoines de second ordre, tous les vicaires, tous les chantres avaient eu un tremblement et avaient pris une mine allongée en lisant ou en entendant parler de l'article du Jupiter. Les jours étaient venus où rien ne pourrait écarter l'esprit impur de la chaire de la cathédrale. La chaire allait lui appartenir. Grands chantres, chantres et vicaires pouvaient suspendre leur harpe au sol. La gloire de leur propre maison leur était ravie. Malgré sa grandeur en expectative, M. Slope venait encore voir la Signora. Il n'avait pas la force de la fuir. Il rêvait de cette main douce qu'il avait baisée si souvent, de ce front impérial sur lequel il avait une fois mis ses lèvres, et il voyait encore en rêve d'autres faveurs. M. Thorne aussi était là. C'était la première visite qu'il faisait à la Signora, et il avait voulu la faire dans toutes les formes. M. Thorne était habituellement soigneux dans sa mise et désireux de paraître à son avantage. Les poils blancs de ses favoris étaient enlevés une fois par mois. Ses cheveux blancs cessaient de l'être par l'effet d'une préparation que nous n'appellerons pas une teinture, mais simplement une eau. Son tailleur habitait dans St. James Street, et son bottier à l'angle de cette rue et de Piccadilly. Il était très minutieux dans l'article gant, et c'était chez la blanchisseuse de Yulathorne une grosse affaire que la façon de relever les plis de ses chemises. À l'occasion de la présente visite, il avait apporté à sa toilette plus d'attention encore que de coutume, et avait par là causé quelque inquiétude à sa sœur, qui jusqu'alors n'avait pas accueilli avec une satisfaction bien marquée la proposition d'une visite prolongée de la Signora à Yulathorne. Il y avait encore d'autres visiteurs, des jeunes gens de la ville qui n'avaient que peu d'occupation et les négligeaient, attirés par les charmes de la Signora, mais tous s'effaçaient devant M. Thorne, qui était une manière de grand seigneur, comme un gentilhomme campagnard l'est toujours dans une ville de province. « Oh, M. Thorne, que c'est aimable à vous !» dit la Signora. « Vous m'aviez promis votre visite, mais vraiment, je ne l'attendais pas. Je croyais que vous autres, gentilshommes de la campagne, vous ne teniez jamais vos promesses. »« Oh, si, quelquefois, » dit Thorne, un peu interdit, et faisant ses salutations dans le style du siècle précédent. « Vous ne trompez que vos comètes. Comètes, comment appelez-vous les gens qui vous portent sur une chaise et vous jettent des œufs et des pommes quand ils vous font membre du Parlement ?»« C'est à charge de revanche, Signora. » dit M. Slope avec le sourire important d'un futur doyen. les gentilshommes de province ne se font pas faute, quelquefois, de jouer au plus fin, n'est-ce pas, monsieur Thorne ?» Monsieur Thorne le regarda d'un œil qui, pour un moment, le fit redevenir simple chapelain comme avant. Mais bientôt, monsieur Slope se rappela ses hautes espérances, et se remettant de son trouble, il répondit au regard de monsieur Thorne par un rire moqueur. « En tout cas, je ne trompe jamais une femme, » dit monsieur Thorne, « surtout quand la satisfaction donnée à mes vœux, et c'est le cas aujourd'hui, m'encourage à être sincère et constant. » Et monsieur Thorne continua quelque temps sur ce ton avec des grimaces et des compliments antédiluviens. Et la signora, à chaque grimace, à chaque salut, répondait par un petit sourire, par un léger salut. Néanmoins, monsieur Thorne dut rester debout au pied du sofa, le futur doyen occupant la place d'honneur près de la table. Cependant, monsieur Arabin, debout contre la cheminée, les pans de sa redingote relevés sur ses bras, la regardait de tous ses yeux et recevait de temps en temps une douce œillade comme en compensation de son éloignement momentané du sofa. « Oh, monsieur Thorne, vous m'avez promis de me laisser vous présenter ma petite fille. Pouvez-vous me donner un moment? Voulez-vous la voir maintenant ?» Monsieur Thorne assura qu'il verrait la jeune demoiselle avec le plus vif plaisir. « Monsieur Slope, voulez-vous prendre la peine de sonner ?» dit-elle. Et quand monsieur Slope se fut levé, elle regarda monsieur Thorne et lui désigna la chaise. Monsieur Thorne fut trop long à comprendre le geste, et monsieur Slope aurait repris sa place si la signora, qui voulait arriver toujours à ses fins, ne lui avait enjoint de la céder. « Oh, monsieur Slope, je vous demanderai de laisser monsieur Thorne s'asseoir ici quelques moments. Vous me pardonnerez, j'en suis certaine. Nous pourrons prendre quelques libertés avec vous cette semaine encore. La semaine prochaine, quand vous serez dans la résidence du doyen, nous aurons peur de vous. » Monsieur Slope, avec un air de parfaite indifférence, se leva et, passant dans le salon voisin, parut prendre un vif intérêt au travail de broderie de Mrs. Stanhope. L'enfant fut introduite. C'était une petite fille d'environ 8 ans, ressemblant à sa mère, seulement ses grands yeux étaient noirs et ses cheveux couleur de jais. Son teint foncé montrait son origine étrangère. Elle avait la mise la plus exotique, la plus extravagante du monde. Elle avait de grands bracelets à ses petits bras nus, autour de la tête un filet tressé de soie écarlate et d'or, aux pieds des bottines écarlates à hauts talons. Sa jupe était tout en volant, si nombreux et si raides qu'il se dirigeait horizontalement, formant un angle droit avec sa taille maigre. Elle ne couvrait pas ses genoux, mais l'enfant portait un large pantalon qui semblait être tout en dentelle. Enfin, elle avait des bas de soie rose. Telle était la toilette ordinaire de la dernière des Nérons à l'heure où Mrs. Stanhope recevait. « Julia, mon amour, » dit la mère, « venez ici. Je vous ai raconté la belle partie où votre pauvre maman est allée. Voici monsieur Thorne. Voulez-vous lui donner un baiser, chérie ?» Julia présenta son visage à monsieur Thorne, comme elle faisait à tous les visiteurs de sa mère, et monsieur Thorne se trouva à voir l'enfant, et ce qui était beaucoup plus effrayant pour lui, toute la toilette de l'enfant dans les bras. La dentelle et l'étoffe empesée se chiffonnaient contre son gilet et son pantalon, les boucles pommadées pendaient sur ses joues, et la grave du bracelet lui écorcha l'oreille. Il ne savait comment prendre une si magnifique demoiselle, ni, après l'avoir prise, qu'en faire. Mais en d'autres occasions, il avait dû dorloter de petites nièces et de petits neveux. Il se mit donc à l'œuvre en employant le procédé qui lui était habituel. « Hop, hop, hop, hop !» dit-il, mettant l'enfant sur ses genoux et en donnant un mouvement à sa jambe comme un rémouleur qui fait tourner sa roue. « Maman, maman !» cria Julia. « Je ne veux pas qu'on me secoue comme ça. Lâchez-moi, vilain vieux !» Le pauvre monsieur Thorne posa doucement l'enfant à terre et recula sa chaise. Monsieur Slope, qui était revenu, attiré par son pôle magnétique, poussa un gros rire. Monsieur Arabin se mordit les lèvres et ferma les yeux, et la signora feignit de n'avoir pas entendu sa fille. « Allez voir tante Charlotte, mon amour, » dit-elle, « et demandez-lui s'il n'est pas temps que vous sortiez. » Mais la jeune Miss Julia, qui n'avait pas trouvé de son goût les gracieusetés de monsieur Thorne, était accoutumée à être choyée par les visiteurs de sa mère. L'idée de s'en aller si tôt avec sa tante ne lui plut pas du tout. « Julia, allez, quand je vous le dis, mon enfant !» Mais Julia faisait la moue sans quitter la pièce. « Charlotte, venez la prendre, » dit la signora. « Il faut qu'elle sorte. Les jours deviennent si courts. » Ainsi se termina cette entrevue mémorable entre monsieur Thorne et la dernière des Nérons. M. Thorne prit son parti de la maussannerie de l'enfant plus vite que du rire de M. Slope. Passe encore qu'une enfant l'eût traité de vieux, mais il lui déplaisait fort que le chapelain de l'évêque se fût permis de rire de lui. Il ne dit rien, mais ne dissimula pas son irritation. La signora était toute prête à le venger. « Monsieur Slope, j'apprends que vous triomphez sur toute la ligne. »« Comment cela ? » dit-il en souriant. Il aimait à s'entendre traiter de futur doyen, quoiqu'il nie énergiquement ses chances de succès. « Vous êtes un glorieux vainqueur en amour et dans les combats. » Monsieur Slope cessa de sourire. « Monsieur Harbin, » continua la signora, « ne pensez-vous pas que Monsieur Slope est un heureux homme ?»« Pas plus heureux qu'il ne le mérite, j'en suis certain, » dit Monsieur Harbin. « Pensez un peu, Monsieur Thorne. Il va être notre nouveau doyen, nous le savons tous. »« En vérité, signora, » dit Monsieur Slope, « personne n'en sait rien. Je puis vous assurer que moi-même... » « C'est lui qui sera notre doyen. Il n'y a pas à en douter, Monsieur Thorne. »« fit Monsieur Thorne. « Passant sur la tête d'homme âgé comme mon père et l'archidiacre Grantly. »« Oh !» fit Monsieur Slope. « L'archidiacre n'accepterait pas la place, » dit Monsieur Harbin. Là-dessus, Monsieur Slope eut un affreux sourire et dit, aussi clairement qu'une physionomie peut parler, que les raisins étaient trop verts. « Passant par-dessus nos têtes, » continua la signora, car naturellement je me considère comme faisant partie du chapitre. « Si je devenais jamais doyen, » dit Monsieur Slope, « je serais heureux et fier d'avoir une semblable chanoinesse. »« Arrêtez, Monsieur Slope, je n'ai pas fini. »« Il est une autre chanoinesse que vous seriez heureux et fier de compter dans le chapitre. »« Monsieur Slope ne va pas seulement entrer en possession de la résidence du doyen, mais aussi d'une femme qui en fera le plus bel ornement. » Monsieur Slope de nouveau parut déconcerté. Une femme pourvue d'une belle fortune. Un bonheur ne vient jamais seul, n'est-ce pas, Monsieur Thorne ? Non, jamais, dit Monsieur Thorne, qui ne paraissait prendre aucun plaisir à parler de Monsieur Slope et de ses affaires. Quand sera-ce, Monsieur Slope ? Quoi ? Dit-il. Oh, nous savons bien que l'affaire du décanat sera réglée dans une semaine, peut-être. Déjà, sans doute, vous avez commandé votre nouveau chapeau, mais à quand le mariage ? « Voulez-vous parler du mien ou de celui de M. Harbin ? » dit-il en essayant de plaisanter. « C'est du vôtre que je voulais parler, bien que peut-être celui de M. Harbin doive le précéder. Mais de celui-ci, nous ne savons rien. M. Harbin est la discrétion même. Voyons, M. Slope, quand la jolie veuve deviendra-t-elle Madame la doyenne ?» Ce badinage faisait souffrir M. Harbin, et pourtant il n'avait pas la force de se soustraire à cette souffrance en quittant le salon. Il croyait, comme on croit toujours ce que l'on craint, que Mrs. Bowles deviendrait probablement la femme de M. Slope. Il ne savait rien de l'aventure de M. Slope dans le jardin. Il se figurait une aventure toute contraire, que M. Slope serait jeté aux pieds de la veuve, aurait été accepté et serait revenu à la ville, triomphant dans son amour. Les plaisanteries de la signora étaient amères pour M. Slope. Elles l'étaient autant pour M. Harbin. Il était toujours appuyé contre la cheminée, les mains dans les poches de son pantalon. « Allons, allons, Monsieur Slope, n'ayez pas cette timidité, » continua la signora. « Nous savons tous que vous avez fait des propositions à cette dame l'autre jour à Iola Thorne. Dites-nous en quels termes elle vous a accepté. Était-ce un simple oui ou de non timide, équivalent à une affirmation ? Est-ce par le silence qu'elle a marqué son consentement ? Ou bien s'est-elle exprimée avec cette franchise aisée qui sied si bien à une veuve. Sur ma foi, monsieur, offrez de moi Mrs. Slope aussitôt que ce sera votre bon plaisir. » M. Slope ne s'était jamais senti si mal à l'aise. D'un côté, M. Thorne, assis, riait silencieusement. D'un autre côté, son rival et son adversaire, M. Harbin, le regardaient de tous ses yeux. Devant la porte qui séparait les deux salons était un groupe de personnes, parmi lesquels Charlotte et quelques révérends, qui le considéraient avec curiosité. Aurait-il assez d'esprit pour répondre à ce persiflage et pour donner à la signora, comme on dit, la monnaie de sa pièce ? Non, il ne trouva pas un mot. Une mauvaise conscience engendre la peur. Il sentait sur sa joue les doigts d'Éléanor et ne savait pas qui avait pu voir la scène et la raconter à cette femme venimeuse qui prenait un si vif plaisir à se moquer de lui. Il était là, debout, rouge comme une escarboucle, muet comme un poisson, riant d'un rire grimaçant qui découvrait ses dents. Il était à faire pitié. Mais la signora ne connaissait pas la pitié. Son objet était de perdre M. Slope, et il était déterminé à le faire maintenant qu'elle l'avait en son pouvoir. « Et quoi, M. Slope, pas de réponse ? Est-il possible que cette femme ait eu la sottise de vous rejeter ? C'est donc un évêque qu'il lui faut ? Mais je devine, M. Slope, la prudence des femmes est proverbiale. Vous ne l'aurez que coiffé de votre nouveau chapeau et ayant dans votre poche la clé de la maison du doyen. « Signora, dit-il enfin, essayant de prendre un ton de dignité offensée, réellement vous vous permettez de traiter des matières graves d'une façon bien légère et peu convenable. »« Des matières graves ? Quelles matières graves ? Assurément, un chapeau de doyen n'est pas une matière si grave. Je n'ai pas les prétentions que vous m'attribuez. Peut-être voudrez-vous bien laisser tomber ce sujet. »« Oh, certainement, Monsieur Slope, mais un mot d'abord. » Allez la retrouver, la lettre du Premier ministre en poche. Je gage mon châle contre votre chapeau qu'elle ne vous rejettera pas alors. Je dois dire, signora, que vous parlez de cette dame en des termes que rien ne justifie. Encore un avis, Monsieur Slope, un seul. Et elle se mit à chanter. Il est bon d'être sage, Monsieur Slope, il est bon d'être honnête et sincère. Il est bon d'en avoir fini avec un premier amour, Monsieur Slope, avant d'en entreprendre un second. Et la signora, se rejetant en arrière sur son sofa, rit à cœur joie. Peu lui importait comment ceux qui l'entendaient construiraient la petite histoire du premier amour de M. Slope. Peu lui importait que quelques-uns lui attribuassent à elle-même l'honneur des premiers hommages du chapelain. Elle était fatiguée de M. Slope et voulait se débarrasser de lui. Elle avait un sujet de ressentiment contre lui et elle tenait à se venger. Comment M. Slope sortit du salon ? C'est ce qu'il ne sut jamais bien lui-même. Il réussit, probablement avec l'assistance d'une personne charitable, à trouver son chapeau et à disparaître. Il était enfin guéri de son amour pour la signora. Quand il la revit dans ses rêves, ce n'était plus un ange aux ailes azurées. Il la bannit du ciel et lui trouva une place parmi les esprits infernaux. Quand il mettait dans la balance, et il le faisait souvent, les deux femmes qu'il avait honorées de ses soins à Barchester, c'était habituellement à la signora qu'il donnait la première place dans sa haine.